programme que vous allez entendre est une rediffusion. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, c'est une spéciale violence policière. En fait, on a pas mal d'invités. On a Samir du DIPS et un ex du MIB aussi. On a Zora et son fils Wassil. Zara, autant pour moi, et son fils Wassil. C'est la famille Kreiter, en fait, sur les événements du 14 décembre et du 26. Et on a Noman aussi, qui est un militant. Bonsoir. De terrain. Donc, je vais vous laisser vous présenter tout un chacun. Bonsoir à tous. Je m'appelle Zara Kreiter. Comme vous le savez, depuis le lundi 14, je viens en faire. Voilà, je vais déjà peut-être un peu plus me présenter. Je suis animatrice pour enfants, agent de la ville de Paris dans le 19e. Je tiens déjà à remercier Fréquence Paris Pluriel de m'avoir invitée. C'est une première pour moi. Voilà, j'aurais voulu que ça soit autrement, mais bon, merci encore. Sachez que depuis le lundi 14 décembre, ma vie, elle est entre parenthèses. Voilà, d'aujourd'hui, je ne travaille pas. J'ai énormément peur pour mes enfants. Voilà, j'ai encore un mur en face de moi concernant la mairie de Portland, plus exactement, qui, le mardi 5 janvier, M. Kern n'a même pas daigné me parler. Très franchement, j'ai trouvé ça irrespectueux. J'ai trouvé ça indigne, je dirais. J'ai le sentiment encore aujourd'hui de ne pas être entendue, malheureusement. D'être prise pour une personne qui a vécu toute sa vie dans les délits, alors que j'ai été femme au foyer. Je suis mère de 4 enfants. J'ai recommencé à travailler. J'ai jamais connu la prison. J'ai jamais connu tout ce qui a trait à tout ça. Et aujourd'hui, je suis en plein dedans. Je vis un vrai cauchemar. J'ai besoin de vous dire surtout de faire attention à vous. Elle est là, mon inquiétude, à l'heure d'aujourd'hui. C'est, comme je l'ai dit et redit, j'ai peur pour cette jeunesse. J'ai peur pour eux. J'ai peur de ce qu'est capable de faire la police. Dernièrement, on a entendu M. Hollande nous dire clairement qu'on n'avait rien à craindre. Je demande à voir. Je demande à ce qu'on confirme encore aujourd'hui qu'on est Français à part entière et que l'état d'urgence ou l'état de droit est bel et bien là en France et qu'on est considéré comme de vrais Français et pas une moitié de Français. Voilà. Je vous dis, alors d'aujourd'hui, faites tout simplement attention à vous et je crois en la République. J'essaie d'y croire encore un petit peu aujourd'hui et tout ce qui fera que je reprendrai confiance à nouveau en la France, c'est que justice soit faite, c'est que la vérité soit faite à ce sujet-là et que toutes les violences policières, quelles qu'elles soient, ne soient plus impunies. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Bonsoir à tous. Merci encore à FPP de pouvoir nous donner la parole et d'expliquer ce qui s'est passé. Voilà, moi, je m'appelle Samir. Je suis un ancien militant du MIB. Et aujourd'hui, je milite, on a monté un groupe qui s'appelle le Deep Social Club, qui fait un travail de terrain dans ces quartiers-là pour essayer d'informer les jeunes. On appelle ça de l'autodéfense. L'autodéfense, c'est pas se battre, c'est pas jeter des pierres, c'est porter plainte, s'organiser et lutter face à ces violences policières. Je pense qu'on en reviendra un petit peu plus tout à l'heure. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Noman du collectif Œil. Je suis photoreporter, militant associatif. Et l'idée, en fait, c'est de mettre à travers la photo, à travers le texte, un peu comme le fait FPP ce soir et tout au long de l'année, en avant les gens qui luttent. Et donc aujourd'hui, c'est avec plaisir que je partage le plateau avec la famille Kreiter et Samir, parce que ce sont des gens qui luttent, des gens qui subissent des injustices et qui décident de ne plus subir justement l'injustice, mais finalement de se soulever et de les dénoncer. Donc voilà, je donne la parole à Wassil. Bonjour, je m'appelle Wassil Kreiter, je suis le vice à Zora. Je suis là pour vous raconter mon histoire par rapport à ce qui s'est passé avec la police. On vous en dira plus tard. Merci. Et du coup, là, il y a une rapide présentation des personnes qui sont invitées, dont la famille Cracker, témoignage assez touchant de Madame Cracker. On a un petit sommaire rapide aujourd'hui, c'est une spéciale violence policière. On va aborder l'histoire de la famille Cracker. Puis après, on va faire un point sur le procès, de l'assassin de Amin Bentoussi. Puis après, on parlera un petit peu de ce qui s'est passé à la Goutte d'Or et des violences policières en général. Voilà. Of this thing that's called the state. What is the state? The state is this organized bureaucracy. It is the police department. It is the army, the navy. It is the prison system, the courts, and what have you. This is the state. It is a repressive organization. But the state, and well, you know, you've got to have the police, because if there were no police, look at what you'd be doing to yourselves. You'd be killing each other if there were no police. But the reality is, the police become necessary in human society. Only at that juncture in human society, where it is split between those who have and those who ain't got. I throw a Molotov cocktail at the precinct. You know how we think. Organize the hood under our ching banners. Red, black, and green instead of gang bandanas. FBI spying on us through the radio antennas. And I'm hitting cameras in the street like watching society. With no respect for the people's right to privacy. I take a slug for the cause like Huey P. While all you fake niggas try to copy Master P. I wanna be free to live, able to have what I need to live. Bring the power back to the street where the people live. We sick of working for crumbs and filling up the prisons. Dying over money and relying on religion for help. We do for self like ants in a colony. Organize the wealth into a socialist economy. A way of life based off the common needs. And all my comrades is ready, we just spreading the seed. The average black male live a third of his life in a jail cell. Cause the world is controlled by the white male. And the people don't never get justice. And the women don't never get respected. And the problems don't never get solved. And the jobs don't never pay enough. So the rent always be late. Can you relate? No more bondage, no more political monsters, no more secret space launches. Government department started it in the projects, material objects, thousands up in the closets. Could have been invested in the future for my comrades. Battle contacts, primitive weapons out in combat. Many never come back, pretty niggas be running with gas. Rather get shot in they back than fire back. We tired of that. Corporations hiring blacks, denying the facts, exploiting us all over the map. That's why I write the shit I write in my raps. It's documented, I meant it. Every day of the week, I live in it, breathe in it. It's more than just fucking believing it. I'm holding in ones. Rolling up my sleeves and shit. It's C-Lo for push-ups now. Many headed for one conclusion. Niggas ain't ready for revolution. The average black male live a third of his life in a jail cell. Cause the world is controlled by the white male. And the people don't never get justice. And the women don't never get respected. And the problems don't never get solved. And the jobs don't never pay enough. So the rent always be late. Can you relate? We living in a police state. Du coup, rebonsoir à tout le monde. J'ai en face de moi et en fait, c'est un petit peu compliqué de s'adresser à vous comme ça. Mais est-ce que vous pourriez nous refaire la chronologie à peu près des événements ? Comment ça s'est passé ? Tout ça ? Du 14 décembre, 26 et après ? Ouais, je peux. C'est quelque chose qui reste dans la mémoire, hein, malheureusement. Oui, effectivement, lundi 14 décembre, revenant du travail, j'ai vu mon fils effondré de douleur. M'appelant au secours, me demandant de l'emmener aux urgences, des policiers sont rentrés dans l'immeuble et l'ont agressé, l'ont mis au sol. Lors d'aujourd'hui, c'est un coup de testicule qui lui a valu d'aller se faire opérer à l'hôpital de Montreuil en urgence. Et jusqu'à ce jour, il avait été arrêté. Plus de mission locale, plus de possibilité d'aller passer son code. Sa vie, à lui aussi, s'est arrêtée en même temps que la mienne et celle de son père, puis toute sa famille. Il a, par la suite, pas de chance, le samedi 26, j'apprends que lors d'un gros retentissement assourdissant que la police a vraiment chargé, Bilal venant de sortir 5 minutes après, je m'inquiète, j'ouvre la fenêtre, demande aux enfants ce qui se passe, on me dit que Bilal a été arrêté. L'effroi, je suis terrifiée, je me dis qu'à ce moment-là mon fils est en danger, que cette même police veut s'en prendre à lui à nouveau, et je ne m'étais pas trompée. Ils l'ont mis dans la voiture alors qu'il n'avait rien fait. Et rien fait, hein, je dis bien clairement rien fait. J'ai voulu m'interposer. J'ai juste voulu en trop demander ce qui se passait. On m'a violemment poussé. On m'a insulté. Ta gueule, plus clairement. On m'a à ce moment-là agressé. Humilié encore une fois, plus d'une fois. Wassil est arrivé entre-temps, malheureusement. Il est venu m'aider. Il est venu aider sa mère qui était en train de se faire agresser. Quel est l'enfant qui ne viendrait pas sauver, je dirais, sa mère? Il a voulu tout simplement m'aider à ces moments-là. J'ai été agressée, j'ai été gazée. On m'a fait tomber par terre. J'étais molestée de toutes parts. J'avais l'impression que ça n'en finissait pas. J'ai reçu des coups de poing. J'ai été choquée, là, pour ma part. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, je suis choquée à vie. Je suis arrêtée. Pour un long petit moment, j'ai un choc traumatisme suite à ça, malheureusement. Je ne dors plus. Je ne mange plus. J'ai très très peur pour eux, et tout ce que je demande, c'est que, encore une fois, la vérité soit faite. J'ai voulu à ce moment-là intervenir, oui, pour mes enfants. On m'a dit clairement que j'avais eu rien à faire ici. Ah bon, mon fils se fait agresser une première fois, il aurait fallu que je reste chez moi tranquillement. Non, je suis pas de ces personnes-là. Je sais pertinemment que j'ai des droits. J'ai voulu leur venir en aide. J'ai voulu intervenir comme toute mère l'aurait fait, je pense. Et sachez que ça n'a pas été une partie de plaisir pour moi. Et que, alors d'aujourd'hui, je demande que vérité soit faite. Je demande surtout à M. Kern et au gouvernement même, je dirais, de faire ce qu'il faut pour que cette même police n'ait plus à intervenir à l'îlot 27, hein, parce que c'est des personnes qui disent faire leur travail, mais ils n'ont pas fait leur travail ce jour-là. Ils m'ont agressé. Ils ont agressé une femme avant tout, et une mère de famille. Où est-ce que vous avez vu ça, où, vous? En France, maintenant, on frappe les mères de famille. En France. J'ai déjà vu énormément de choses comme... des émeutes, j'ai déjà vu des manifestations... Mais c'est la première fois de ma vie que je vivais ça. Première fois de ma vie que je vis ça. C'est ce que je répétais. Ce que j'ai dit, c'est que je ne suis pas une délinquante notoire. Voilà. Je suis une honnête femme. Et jusqu'à aujourd'hui, ces mêmes personnes travaillent. Hein, sont toujours à courir à droite et à gauche après les jeunes de l'îlot 27. Font vivre la terreur. La plupart des jeunes me disent encore aujourd'hui qu'ils n'osent pas se faire contrôler parce qu'ils ont peur de se faire gazer, insulter, frapper. Il est où l'état de droit? Il est où l'état de droit? C'est de ça dont on parle. On parle d'un état de droit. La police, elle est là pour nous protéger. Elle aurait dû être là déjà pour me protéger. Je ne me suis pas sentie protégée, encore moins aujourd'hui. Voilà. Merci à vous. Au revoir. Toi aussi, tu voudrais donner ta version des faits, enfin ce que tu as vécu et ce que tu as vu à ce moment-là? Ouais, bien sûr. Alors déjà, tout simplement, au début c'était un contrôle banal, quoi. Ou alors, attendez, je vais vous parler d'abord de mon frère, le 14, ce qui s'est passé le 14. Je sais que moi, à un moment, lorsque je suis sorti, j'ai vu qu'il y avait la police dans le bâtiment. Il y a un policier qui s'est dirigé vers moi et qui m'a dit « bouge, bouge, sinon ils vont t'attraper toi aussi ». J'ai pas cherché à comprendre, je suis parti direct. Et c'est après que j'ai vu mon grand frère sortir du bâtiment. Enfin, j'ai vu qu'il avait mal au niveau des testicules. Mais à ce moment-là, en fait, je pense que la douleur, elle n'était pas encore... elle n'était pas encore là, quoi. Et après, c'est au moment où vraiment, quand on est remonté à la maison, que là, ça c'était vraiment... on avait l'impression qu'il était en train de mourir, quoi. Il avait vraiment super mal. C'est la première fois que je voyais mon grand frère à moi pleurer. Vraiment, la première fois que je voyais mon grand frère en larmes. C'était vraiment, ça se voyait qu'il avait vraiment mal. Moi, je lui ai ramené des glaçons, etc. Je ne pensais pas que c'était aussi grave que ça. Et moi, lorsque je suis ressorti, j'ai croisé ma mère. Et c'est à ce moment-là, lorsque j'ai raccompagné ma mère pour aller vers chez moi, il y a Bilal qui s'est mis par la fenêtre et qui a commencé à appeler ma mère, qui criait, appelle les urgences, j'ai mal, tatati, tatata. Ils m'ont cassé les testicules, tatati. Et voilà, quoi. C'est après, quand ils l'ont emmené à l'hôpital, bah, j'ai su qu'il avait dû faire une opération, etc. Donc franchement, c'est... Bah, en fait, ça choque que ce soit la police qui fasse ça, quoi. La police, surtout, c'est censé eux qui soient... Normalement, c'est eux qui sont censés nous protéger. Voilà, quoi. Quand je pense que c'est la police... Moi, j'ai jamais eu de problème avec la police. Je les ai toujours, on va dire, respectés. Je les déteste pas, j'ai rien contre eux. Mais là, franchement, avec ce qu'ils ont fait à mon frère et ce qu'ils ont fait à ma mère et ce qu'ils m'ont fait aussi, c'est traumatisant, quoi. C'est vraiment... C'est pas normal, en fait. Et je comprends pas que... Mais j'espère vraiment qu'il y aura une justice pour ça. Alors, il y a aussi le jour du 26, lorsque... Bah, tout simplement, j'étais de mon côté avec 2-3 copains. Et il y avait un autre groupe de jeunes, devait être une dizaine ou une quinzaine. Ils étaient assis tranquillement, il n'y avait pas de problème, hein, aucun souci, ni musique, rien, ça criait même pas, il n'y avait rien du tout. Ils étaient juste en train de jouer au foot. À ce moment-là, bah, y a la BST, la police qui est arrivée, qui a fait un simple contrôle. Il n'y avait aucun problème du tout, hein, pas de problème, ni insulte, rien. Et après, ils se sont dirigés vers moi pour me contrôler avec mon grand cousin. Ils m'ont contrôlé, il n'y a pas eu de problème. Puis après, au moment de repartir, moi, j'ai rejoint mes potes. Je me suis assis. Et c'est à ce moment-là que j'ai regardé vers la police et je les ai vus revenir vers nous, attraper mon copain Isnab, se mettre à le violenter, à lui cogner la tête contre le mur, à le mettre par terre, à se mettre à le frapper, quoi. C'est à ce moment-là que y a tout le monde... Les jeunes, ils commencent à dire, mais pourquoi ils font ça? Même nous, on ne comprenait pas. On la connaît, la police. On sait que voilà, quoi, c'est pas des monstres non plus, mais qu'à la base c'est pas censé être des monstres. On sait que c'est pas des... Mais quand on voit ça, franchement, on se dit pourquoi il le frappe, il a rien fait. Ça s'appelle de la violence gratuite. Voilà. Après, à ce moment-là, il y a mon grand frère qui est venu. Il venait de sortir de chez moi, il avait absolument rien fait. Il venait vraiment de sortir. On venait de sortir du bâtiment et à ce moment-là, j'ai vu un policier se diriger vers lui. Et moi, il m'a dit de... Enfin, ils ont lancé une espèce de grenade fumigène, quelque chose comme ça. Et moi, je suis parti directement, j'ai pas cherché à comprendre. Je voulais pas avoir de problème. Et c'est à ce moment-là, en fait, que lorsque j'étais en train de m'en aller, j'ai entendu ma mère courir, en train de crier. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous le prenez? Etc. J'ai regardé deux secondes, même pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu que le policier, il était en train d'insulter ma mère, de la pousser, de la violenter. Et voilà, quoi. C'est ma mère, c'est normal, j'ai réagi comme un enfant. Bah, je suis parti directement en direction de ma mère et du policier. Je me suis mis entre les deux pour éviter que ma mère prenne des coups. Et c'est à ce moment-là que voilà, quoi, ça se voyait en fait qu'il avait la haine, le policier. Il s'est défoulé sur moi, il s'est mis à me rentrer des coups de poing comme si j'étais un adulte de 30 ans, en sachant que j'ai que 15 ans. Voilà, lui devait avoir à peu près la vingtaine ou la trentaine. On n'a pas du tout la même force. Et il y a ses collègues qui l'ont rejoint à ce moment-là aussi, pour eux aussi me mettre encore des coups de poing. C'était essentiellement au visage, mais vraiment qu'au visage. Je sentais en fait leurs coups. Je ne savais pas ce qui se passait autour, mais je sentais leurs coups. Et voilà, quoi, quand j'ai vu qu'après, il y a ma mère qui a voulu me protéger, et elle aussi, voilà, quoi. À ce moment-là, elle s'est fait gazer, elle s'est fait frapper aussi. Et voilà, après, ils m'ont mis sur le capot de la voiture de police. Et même quand j'étais menotté, ils ont continué de me mettre des coups, à me frapper. T'as quel âge, Wassil ? J'ai 15 ans. Alors, il faut se dire qu'à un enfant de 15 ans, ils sont obligés de se mettre à 5 sur moi juste pour me frapper, en sachant que j'essayais même pas de me défendre. Franchement, pour moi, encore, quand ils me frappaient, je voulais absolument qu'ils m'embarquent. Parce qu'il y a un policier qui s'est vraiment défoulé sur moi. Lui, encore les autres, ils mettaient des coups de poing. C'était un de temps en temps, mais lui, il était vraiment à fond sur moi. Genre. Il avait vraiment envie de cogner. Et j'ai regardé son collègue et il m'a rentré dans la voiture. Quand j'étais dans la voiture, j'étais soulagé. Et voilà, c'est à ce moment-là que j'ai vu ma mère par terre, qui était en train de pleurer. En fait, sur le moment, j'ai même pas compris qu'est-ce qui s'était passé. Hein. Franchement, j'ai pas compris. Tout au début, tout allait bien. Et puis d'un coup, je vois ma mère par terre en train de pleurer. Tous les jeunes se sont fait embarquer pour rien. Ils ont gazé tout le monde, ils ont frappé tout le monde. Ça, c'est vraiment de la violence gratuite. Quoi. On dirait vraiment qu'ils ont rien à faire. Quoi. Surtout que nous, enfin là où j'habite, c'est pas sensible du tout. Il y a jamais eu de problème avec la police. Voilà quoi. Du coup, l'équipe de policiers qui est mise en cause fait partie de la BST. Ouais, la BST. Et a priori, depuis septembre, ils sont sur Pantin, voilà. Si je me trompe pas. Et c'est monté crescendo avec les jeunes en général du quartier, quel qu'il soit, que ce soit pour discuter ou jouer au foot ou quoi que ce soit. Et il y a des espèces de provocations continues de leur part. Ouais. Et juste pour rappeler à nos auditeurs, parce que mardi dernier, on en avait parlé un petit peu. La BST, c'est l'ancienne police de proximité qui a été mutée par Sarkozy et Hortefeux à l'époque. Une autre version, je ne me rappelle plus, c'était un petit sigle, EREC ou quelque chose comme ça. Puis après, mutée en BST, brigade de surveillance de terrain, en demandant à ce que ça soit une brigade de surveillance qui soit beaucoup plus musclée, plutôt que dans le dialogue ou la prévention, plutôt que dans une espèce de... On montre ses muscles, sa force et on provoque. Il y a beaucoup de plaintes. Il y a le Bondy Bloc qui a fait un article intéressant il y a un an ou un an et demi sur la BST, justement. Ou apparemment que ça soit à Champigny, à Corbeil ou en l'occurrence à Pantin, pas mal d'habitants ont signalé des choses qui n'étaient pas très normales et on sont plaints des agissements de cette brigade. Et du coup, il me semble que mardi dernier, vous avez été au vœu du maire. Oui, c'est ça. On a été au vœu du maire. J'ai pas été invité. J'ai pas été invitée spécialement, mais c'est mon mari qui a été invité plus exactement. Et j'ai tenu à y aller parce que de toute façon, dans mon idée, c'était d'aller me mettre devant la mairie. Il faut savoir aussi une chose, c'est que quand Bilal a été agressé ce lundi 14 décembre, il faut savoir qu'on a alerté la mairie. En bon citoyen qu'on est et en bon pantinois qu'on est, Monsieur Kern était en vacances puisque c'était les vacances de Noël. Alors, comme tout à chacun, voilà, il a profité pleinement de ses vacances, tant mieux pour lui. Et du coup, on a le directeur du cabinet nous a reçus. Alors on s'est dit ok, on y a été en tout bien tout honneur, donc il a bien compris. Ils sont au courant depuis ce jour qui s'est passé, qu'il y a eu une agression de la police, qu'il y a eu une plainte de fait par Bilal. Ils ont appelé le commissariat. En gros, vous savez, vous avez les histoires de toute façon, le commissariat fait partie du ministère de la Justice. Nous, à la mairie de Pantin, on n'est pas, on s'occupe entre autres de la police municipale. Donc, vous avez une espèce de méli-mélo qui fait que les uns comme les autres veulent se décharger de leurs responsabilités. Et je pars du principe que cette fameuse feuille qui nous avait été envoyée par M. Kern à ce moment-là pour nous préciser qu'il allait avoir une BST et BSQ aussi, brigade de sécurité territoriale et brigade de sécurité de quartier, on s'est dit ok, ils vont être là, ils vont faire leur tour, comme tout bon policier qui se respecte. Et en fait, je me rends compte que c'est un vrai, c'est plus une inquiétude que toute autre chose. Depuis l'état d'urgence, ça s'est aggravé. Ça s'est aggravé. C'est devenu, je dirais, pour ma part, invivable. Alors peut-être qu'il y a des gens à qui ça fait rien, qui trouvent normal de vivre comme ça. Moi, je trouve que c'est pas normal. Dans un pays libre, hein, que je pensais être libre, et libre, la liberté d'expression, on en a entendu des vertes et des pas vertes. Hein, et très franchement, là, à l'heure d'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression d'être plutôt censurée. J'ai l'impression de pas vivre ma liberté comme elle se devrait. Ma liberté de femme, de mère au foyer, de famille.

normal et naturel. Eh bien, ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. C'est donc dans ce cas, et notamment à Madouan, que la police est intervenue à plusieurs reprises. C'est dans ce cas qu'elle interviendra à nouveau. Si des violences ont été commises par des policiers, c'est à la justice de l'établir, et elle l'établira, et de prendre les sanctions adéquates. Et je serai, comme je l'ai toujours été, aux côtés des victimes. Mais en l'état des informations en ma possession, ce qui a été constaté, c'est ce les forces de l'ordre républicain qui ont subi des jeux. Laissez entendre que la police est raciste et qu'il faudrait former des groupes d'autodéfense est non seulement inacceptable, mais totalement irresponsable. C'est penser que la République n'est pas la solution à notre problème, c'est tout bonnement s'opposer frontalement à ce qui nous permet durablement d'être une cité. Du coup, là, on a entendu un son du maire qui s'est exprimé sur l'histoire de la famille Créteil et qui a a priori repris le communiqué de la préfecture de Bobigny, mot pour mot. En fait, je ne vais pas me cacher, mais il y a 2 semaines, avec Raphaël et Yano, on s'était déplacé à la conférence de presse qu'a donnée la famille Créteil. On a été chez la famille Créteil aussi et on a vu le molosse en question qui n'est pas si molosse que ça et qui est assez doux. Et je vois que Samir a envie d'intervenir, donc je vais laisser la parole à Samir. Quand on entend la déclaration du maire et tout, voilà, comme tu as dit d'ailleurs, il reprend exactement le communiqué de la préfecture de police. C'est une méthode. Mais pour revenir à ce qu'il a dit, quand il parle d'autodéfense, nous on assume, on parle d'autodéfense. Mais de quelle autodéfense on parle? C'est-à-dire qu'il reproche aux Pantinois et aux collectifs qui sont venus les aider de dire aux jeunes, organisez-vous. C'est-à-dire... voilà un truc dans les années 90 on s'organisait nous, c'est-à-dire que quand il y avait un mort dans le quartier ou quand il y avait une affaire comme celle de Madame Créteil et ses enfants, il y avait des émeutes, c'était une forme d'organisation aussi, voilà, c'est-à-dire les gens qui descendaient à l'époque dans la rue, qui mettaient la cagoule et qui allaient jeter des pierres et des cocktails sur la police, il y avait une raison. C'était pas comme ça. Et aujourd'hui on a changé la méthode, c'est-à-dire aujourd'hui on dit aux jeunes non, il y a une autre méthode. Il y a une autre méthode d'autodéfense, celle de porter plainte, systématiquement porter plainte. C'est-à-dire que quand il y a un policier qui commet une agression comme celle de Mme Créteil qu'a subi ou ses enfants, on porte plainte. C'est ça l'autodéfense. L'autodéfense, c'est s'organiser dans son quartier. C'est lutter contre ce qui se passe quotidiennement lors de contrôles de police. C'est ça. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il dit là, le maire? Il nous dit à nous de empêcher les jeunes de porter plainte. C'est ça. L'autodéfense, c'est ça. C'est nous, en tout cas, on le prend comme ça. L'autodéfense, c'est quoi? C'est systématiquement porter plainte, systématiquement faire attention les uns les autres, parce que ce genre de contrôle, malheureusement, c'est pas un truc, c'est pas banal. Et ça s'est pas passé qu'une fois. Comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, la BST, cette fameuse BST là, du 93, à l'Opéra Pantin, à l'Opéra Aubervilliers, à l'Opéra Saint-Denis, et partout où on a été, partout, c'est des sales types. Les gars, c'est des sales types. Il faut savoir déjà un truc, comme tu as dit tout à l'heure. Juste, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Mustapha. C'est les plus mal notés de la police. On prend les plus mal notés de la police, mais les plus balèzes. Ils font des sports de combat, du free fight, ils sont ceinture noire de je ne sais quoi. Et ils rentrent dans cette police-là. Voilà. On a affaire à des voyous. On a affaire à une milice. On n'a pas affaire à des policiers. On n'a pas affaire à des... policiers qui viennent, qui contrôlent les gens dans les règles de l'art. Non, on a affaire à une petite milice qui fait ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'elle est protégée par les plus hautes instances. Les plus hautes instances, c'est les syndicats de police. Tant qu'on aura les syndicats de police qui protégeront ce genre de phénomène, ce genre d'individu, on continuera à parler d'autodéfense, on continuera à aller dans les quartiers pour parler d'autodéfense, mais comme nous, on l'entend, c'est-à-dire c'est de l'éducation populaire. C'est-à-dire systématiquement s'organiser, porter plainte et manifester contre ce genre de violence. Et voilà ce que c'est que l'autodéfense. Et sur autodéfense aussi, excuse-moi Samir, on peut rajouter le fait de filmer et de photographier systématiquement un contrôle de police. Aujourd'hui, moi, bon, en tant que journaliste, mais aussi en tant que citoyen, lorsque je vois un contrôle de police dans la rue, même si le contrôle a l'air de se passer bien, je sors mon téléphone et j'hésite pas à filmer. Pourquoi? Parce que si, à un moment donné, il y a un dérapage, ou si à un moment donné, on voit une victime, et on l'a vu par le passé, des gens qui nous ont quittés, qui ont été tués par la police, qui rentrent dans un fourgon de police à une certaine heure et qui en ressortent morts à une autre heure. À partir de ce moment-là, si on a un témoignage, autre qu'un témoignage, qu'un récit, mais qu'on a des images, et donc on peut saluer aussi toutes les personnes qui n'ont pas hésité à se mettre à leur fenêtre ce jour-là et à filmer, car sans ces personnes-là, l'histoire de la famille Crecker, on n'en aurait jamais entendu parler, ou ça serait passé comme un fait divers. Grâce à ces images, aujourd'hui, on peut dire que, au moment du contrôle qui a dérapé le soir au moment de l'agression, la chienne n'était pas là. On parle de jets de pierre, d'émeutes. Il y a eu, en effet, une pierre qui a été lancée lorsque déjà il y avait des individus qui étaient au sol, menottés et tapés au sol. C'est-à-dire que ça a été une réponse d'un enfant, d'un jeune, qui a lancé la première chose qu'il a trouvée par terre en direction de la voiture. Mais ça, on l'a vu, c'est pas des jets de pierre, c'est pas une mini-émeute. Et les images qu'on a nous permettent de témoigner et de dire qu'il y a eu violence uniquement de la part de la police ce jour-là. Et ce qu'on peut reprocher au maire de Pantin, c'est que dans son discours, pas un mot pour la famille. Alors il se dit, au bout d'un moment, quand la justice donnera son verdict, je me rangerai du côté des victimes, c'est ce qu'il dit. Mais là, ce jour-là, qu'est-ce qu'on attend d'un maire d'une ville comme Pantin? C'est qu'il défende, ou en tout cas, qu'il ait un mot de soutien pour les habitantes et les habitants de sa ville, qu'il n'a pas eu. Et qu'est-ce qu'il reprend dans son passage d'une minute trente? C'est autodéfense, qui a été dit par une personne qui n'est pas de Pantin, qui est venue apporter du soutien. Et c'est la seule chose qu'il retient, parce que c'est la seule chose qui lui fait vraiment peur. Parce que ce qui est en train de se passer, il faut savoir que ça fait peur au maire de Pantin et à la police. Et on le voit que le lendemain des agressions, lorsqu'il y a eu les images sur Internet, c'est le syndicat de police, le porte-parole national qui a pris la parole pour une affaire locale. C'est-à-dire que c'est monté très haut, très vite, et que le maire de Pantin, maire socialiste, a eu des consignes de très haut de dire « tu ne parles pas, tu ne parles pas à la famille », alors que c'est ce qu'on attend d'un maire de commune. Non, mais d'autant que quand on était à la conférence de presse, les mots étaient assez justes. C'était comité de vigilance et d'autodéfense. C'était assez précis, assez juste. Ça sous-entendait rien. Milice, ni de quoi que ce soit. C'est une nouvelle manière de se défendre. Avant, dans les années 90, dans les années 80, 90, 2000, c'était des émeutes. Aujourd'hui, on parle d'éducation populaire. Aujourd'hui, on parle de systématiquement porter plainte. J'insiste sur ce truc-là. Parce que pour qui ils se prennent, en fait? En fait, voilà, vulgairement, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils nous demandent de nous faire contrôler, d'accepter de nous faire humilier, d'accepter de se faire frapper et de rien dire. Voilà ce que le maire de Pantin, en fait, il dit. Et à travers le discours du maire du Pantin, c'est le discours national. On nous demande, en fait, de baisser nos pantalons. Voilà, on a affaire à des milices, on a affaire à des gens violents, à des policiers très violents qui sont experts pour certains en arts martiaux, mais on nous demande de baisser nos pantalons, c'est-à-dire c'est pas grave. Non, c'est grave. Donc, on parle d'autodéfense. Comme il a dit Manon, systématiquement filmer, ne pas avoir peur de sortir son téléphone pour filmer un contrôle d'identité, et systématiquement, quand il se passe un truc comme celui-là, monter en comité, se rassembler et faire attention les uns les autres. Parce qu'aujourd'hui, la seule solution qu'on a dans les quartiers populaires face à la police, c'est faire attention les uns les autres. Si nous, on ne fait pas attention les uns les autres, si justement, on ne vient pas apporter ce genre de discours dans les quartiers populaires, qui est-ce qui va nous défendre? Puisque quand on voit, par exemple, ce qu'il dit là, quand on voit le porte-parole du syndicat d'Alliance intervenir, c'est quoi ça? On sait que c'est une méthode. Eh bien, nous, on n'en veut plus. Cette méthode de criminaliser à chaque fois les victimes et de glorifier le policier, eh bien, nous, on change le truc. C'est-à-dire que la victime est la victime et le policier, c'est le bourreau. C'est comme ça. Ouais, d'autant que depuis des décennies, en fait, on a l'habitude d'avoir une forme de police assez violente dans les quartiers avec des mauvaises manières qui sont peut-être héritées. D'ailleurs, on en reparlera un peu tout à l'heure, comme tu as dit, puisque c'est une émission qui est consacrée aux violences policières. Donc, on parlera de ce qui s'est passé à Barbès et surtout du procès de l'assassin de Amin Bentounsi. Damien, je ne sais plus son nom. Qui a tué Amin Bentounsi d'une balle dans le dos. On en reparlera tout à l'heure. Et couvert par sa hiérarchie aussi. Encore ses méthodes, la manière dont les syndicats défendent un meurtrier, la manière dont ils montent au créneau, et tout ça pour défendre un collègue à eux qui a assassiné Amin Bentounsi d'une balle dans le dos en 2012. Clairement, les affaires sont très fréquentes. On a actuellement, en ce moment, on a les projections de qui a tué Ali Ziri, qui sont un petit peu partout à Paris, en banlieue, depuis au moins septembre dernier ou octobre. Et peut-être que Madame Crecker voulait rajouter quelque chose. Je suis déjà tout cœur avec les familles là, qui vivent ça en ce moment parce que ça doit être très dur. Je ne connais pas spécialement toutes les personnes qui ont vécu ça, mais je suis de 70, donc je suis de la génération des années 80 et autres, où effectivement on a vécu Convergence 84, Black Bomber, enfin tout ce qu'on a pu dire à un moment donné, mais alors d'aujourd'hui, enfin si je peux me permettre, on est français ou on l'est pas, donc maintenant c'est vrai que moi c'est mon ressenti, moi je veux juste que, enfin quoi vous dire de plus que dans ces moments-là, la jeunesse là à l'heure actuelle, j'ai tout simplement peur pour eux et qu'on arrête systématiquement de cataloguer cette jeunesse et qu'on arrête d'en dire du mal surtout. Parce que c'est devenu invivable pour eux. Moi, franchement, je les plains, quoi. Personnellement. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis mère de famille. Je pense qu'on est plein à vivre ça. Faut pas laisser passer ce genre de choses. C'est pas normal de vivre comme ça et que eux, entre autres, vivent ce genre de situation. Vivent systématiquement le fait d'être contrôlé et c'est tout le temps sur le même endroit. C'est même pas un endroit genre divers. Et encore, il faut lire certains écrits pour se rendre compte que c'est pire des fois ailleurs, malheureusement. Et encore heureux, on a parlé dernièrement d'attouchement sexuel, mais encore heureux que ça ne se soit pas passé avec mes enfants. Très franchement, ça fait peur. Ça fait très peur. Moi, je le dis clairement, moi, pour moi, en parlant de cette brigade plus exactement, pour moi, c'est une milice. Pour moi, c'est une milice. Je ne suis pas tranquille quand je suis chez moi, quand mes enfants sortent. Je ne suis pas tranquille, alors que je devrais vivre comme toute personne dans ce pays, normalement. Voilà. C'est tout ce que je demande, vivre en paix, voilà, puisqu'on parle de paix à longueur de temps. C'est tout ce que je demande. Vivre en paix, que mes enfants vivent en paix, surtout. Ils ont le droit. J'ai souvent parlé du droit de l'enfant, et on a souvent parlé de la charte de la laïcité. Eh bien, là, elle a été bafouée, plus que bafouée. Je laisse la parole à mon fils et ben merci encore à vous. Wassil, tu voudrais peut-être t'exprimer un petit peu sur les idées de comité de vigilance ou d'autodéfense ou sur le sentiment que toi ou tes copains, tes copines, vous sentez. Est-ce que vous sentez en sécurité par exemple dans le quartier quand vous discutez ou... Pas du tout. Alors là, non. Franchement, nous maintenant, dès qu'on voit la police, on veut vraiment tout faire pour les éviter. Par exemple, là maintenant, la rue où il y a le commissariat de police, c'est comme si pour nous, elle n'existait plus. On ne passe plus jamais par là-bas. Dès qu'on voit une voiture de police, on essaye de... Là où on peut passer pour les éviter, on essaye. Par exemple, il y a une semaine, à peu près, hein, pas exactement, j'ai vu des gars que je connais d'un autre quartier de Pantin qui étaient en train de se faire contrôler par la BST, justement. Automatiquement, j'ai sorti mon téléphone pour filmer. Parce que pour moi, maintenant, dans ma tête, réflexe. Contrôle est égal violence. Voilà, moi, pour moi, dès que je vois la BST, pour moi, c'est qu'ils vont aller frapper quelqu'un, tout simplement. Voilà. Moi, avant que tout ça se passe, moi, je le disais à mes parents, la BST, quand ils viennent, c'est pas des gentils. Ils viennent, c'est pour gazer, pour frapper. Mon père, il me disait, non, c'est la police, tatati. Et maintenant, il a vu que voilà quoi, que la police, c'est pas tous des gentils. Après, je les mets pas tous dans le même sac, parce que je connais des policiers qui font très mal leur travail. Mais voilà, c'est vraiment la BST, c'est... En fait, c'est eux qui nous font peur, quoi. Voilà, c'est eux qui nous font peur, parce que eux, c'est... Quand on les voit par rapport à nous, il y a des policiers de la BST, c'est vraiment des... C'est des masses, quoi. Ils sont vraiment très costauds. Et nous, quand tu nous vois par rapport à eux, tu te dis, mais comment... Qu'est-ce qui se passe dans leur tête de frapper des jeunes comme nous, voilà. Surtout des enfants de 14 ans, 15 ans. Ouais, voilà, on dirait qu'ils ont besoin de se sentir forts. Pour revenir à la milice, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a mis en place le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, les syndicats de police ont mis en place une milice dans ces quartiers-là, à travers la BST, la brigade anticriminalité. On va aller un peu au-delà de Pantin. Ouais. C'est une milice, elle a le rôle de terroriser les gens. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les quartiers populaires, et plus encore, on peut aller au-delà des quartiers populaires depuis l'état d'urgence, hein, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est son rôle, aller dans son rôle, aller dans le rôle de terroriser les gens, et ils le font. Il faut savoir qu'ils le font, et pourquoi ils le font, c'est parce qu'ils sont protégés par les syndicats de police. C'est-à-dire que s'ils peuvent se permettre ça, c'est parce qu'ils savent qu'en haut, les syndicats de police, et plus particulièrement celui d'Alliance, est là pour les protéger et justifier la violence qui crée dans ces quartiers-là. C'est le rôle d'une milice. Si vous voulez, on peut se faire une petite pause musicale et on revient tout de suite dans l'émission Au fond près du radiateur sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. I love the ground on which she bears those soft and wondrous of my true love. Atmosphère sécuritaire, les militaires siègent dans le RER et même le dernier des flics porte un revolver. Tout le monde flippe, de quoi personne sait. Leitmotiv, se méfier des barbus et ou des gens foncés. La police a les pleins pouvoirs, tu me crois pas. En cas de problème, essaie de te pourvoir en justice, juste pour voir. Régulièrement, les schtroumpfs reçoivent un cadeau de l'intérieur. Hier, le flashball et aujourd'hui, le taser. On calme les révoltés à coups de décharge électrique. Pas toute la répression se veut éclectique. Seul feu pour ma communauté, vengeance à tout prix et esquiver les faits. Autant que faire se peut. Pour eux, nous avons le mal dans la peau, donc ils veulent nous la trouer. Et ils s'étonnent que l'on sente floué. L'Occident provoque la plupart des conflits et essaie de stopper ses ennemis à coups d'ADN satellite et biométrie. Un peuple imberbe à l'épiderme immaculé. Ils se battent contre nos gènes, notre épiderme, notre pilosité. La mancam reste au programme. Sous couvert de protection du territoire, la xénophobie fait ses gammes. Imberbe à l'épiderme immaculé. Ils se battent contre nos gènes, notre épiderme, notre pilosité. La mancam reste au programme. Sous couvert de protection du territoire, la xénophobie fait ses gammes. Atmosphère sécuritaire, moi et ma tribu, nous sommes tous tributaires de leur balle ou de leur tribunal. Je m'attribue les armes tribales, parce que je sais que leur envie de tester leur nouveau jouet sera bien plus forte que le code de procédure pénale. L'électricité au service des sévices, prodiguée par les XD sur les 10 mecs de cité. Tu parles d'un vice. Nos mères de famille sont pas prêtes d'avoir fini de pleurer leur fils. La liste est si longue qu'elle ne saurait être exhaustive. Certains frères à la vue des bleus préfèrent se jeter dans la Seine pourvu qu'ils les esquivent. Quitte à y laisser leur vie, radical comme choix mais tout comme celui de nous chasser d'ici. La déesse t'éveille, de tout temps elle reste éveillée. Surveille nos faits, nos gestes, utopiques, notion de liberté. Malgré leur technologie, un facteur reste inchangé. Impossible de stopper un individu venu pour crever. Un peuple imberbe à l'épiderme immaculé. Ils se battent contre nos gènes, notre épiderme, notre pilosité. L'amalgame reste au programme. Sous couvert de protection du territoire, la xénophobie fait ses gammes. Imberbe à l'épiderme immaculé. Ils se battent contre nos gènes, notre épiderme, notre pilosité. L'amalgame reste au programme. Sous couvert de protection du territoire, la xénophobie fait ses gammes. Atmosphère sécuritaire. De nos jours, ta carte de séjour ne te protège ni du karcher ni du charter. Bienvenue sur cette chère terre où l'amour de l'esclavage et les tours pour les sauvages opèrent au grand jour. On vit toute l'année sous vigie pirate écarlate et des sans-cervelles rêves devant Nicolas et Carla. Impensable de vouloir autant faire la pluie et le beau temps. La menace est d'autant plus sérieuse qu'on vient de rejoindre l'OTAN. Ils pensent peut-être que les pertes seront unilatérales. Il a pourtant l'exemple outre-Atlantique avec les GI. Drôle de vision du bellicisme. Ils veulent combattre le terrorisme à coups de racisme. La liberté passe à l'as parce qu'hélas on nous inculque la démocratie avec Rangers et Pamas. C'est leur notion de protection du territoire, la première. Donc juste un noir et un barbu et les barbus sont sur les frais de guerre. Un peuple imberbe à l'épiderme immaculé. Ils se battent contre nos gènes, notre épiderme, notre pilosité. L'amalgame reste au programme. Sous couvert de protection du territoire, la xénophobie fait ses gammes. Imberbe à l'épiderme immaculé. Ils se battent contre nos gènes, notre épiderme, notre pilosité. L'amalgame reste au programme. Sous couvert de protection du territoire, la xénophobie fait ses gammes. Imberbe à l'épiderme immaculé. Ils se battent contre nos gènes, notre épiderme, notre pilosité. L'amalgame reste au programme. Sous couvert de protection du territoire, la xénophobie fait ses gammes. Imberbe à l'épiderme immaculé. Ils se battent contre nos gènes, notre épiderme, notre pilosité. L'amalgame reste au programme. Sous couvert de protection du territoire, la xénophobie fait ses gammes. Le programme que vous allez écouter est une rediffusion. Ok, vous êtes bien dans l'émission Au fond près du radiateur. On vient d'écouter un son de Beat James qui s'appelait Atmosphère sécuritaire. Donc voilà, donc pour rappeler, nous, l'émission Au fond près du radiateur, c'est sur le 106.3. C'est tous les mardis de 19h à 20h30. On est rediffusé aussi le vendredi matin de 7h à 8h30 du matin. Donc voilà, on voulait passer un peu toujours dans cette émission spéciale sur les violences policières. Donc on est avec la famille Craiger. Wissam et Wassil, pardon, excuse-moi, Wassil et Zora, on est aussi avec Samir et Noman qui sont des militants. Et donc voilà, on voulait passer un peu aussi un deuxième sujet, c'est-à-dire ce qui s'est passé jeudi dernier, donc c'était le 8 janvier, devant le commissariat de la Goutte d'Or, donc qui est connu pour être un peu... un nid de policiers racistes. Et donc ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'ils ont abattu donc un mec, et ensuite ils ont dit qu'il aurait attaqué le commissariat, il serait roué sur un policier avec une ceinture d'explosifs en criant « Allah ou Akbar ». Et donc voilà, tous les médias ont repris cette version sans chercher à la contredire, donc qui était la version des policiers. Et petit à petit, en fait, cette version a été démontée petit à petit. On s'est aperçu que ce n'était pas du tout ça qui s'était passé. En fait, pourquoi on parle de ça aussi ? C'est parce que ça nous fait penser à ce qui s'est passé presque il y a un an, jour pour jour. C'est-à-dire, c'était à jouer les tours, donc à côté de Tours. Il y avait un homme qui s'appelait Bertrand Zoa Bonayo qui s'est fait abattre un peu dans les mêmes circonstances. Et donc ils ont dit pareil qu'il avait crié à la Wakbar, et pour eux ça serait le signe qu'il serait un terroriste, alors que, enfin voilà, ça veut juste dire Dieu est grand déjà pour rappeler ça, quoi. Et donc ce mec là aurait été abattu, et il disait il aurait voulu tuer un policier. Et en fait on s'est aperçu, notamment le site La Rotative, qui est un site internet local là-bas, avait démonté toute cette version policière. Et donc on vous invite à regarder ce qui s'était passé sur le site La Rotative. Ce qu'on a appris, c'est que quelques jours avant, il y avait des gens du quartier qui avaient été contrôlés par des policiers. Ça s'était mal passé, c'était assez tendu. Et ensuite, les policiers ont cherché à se venger de ce qui s'est passé sur Bertrand. Et donc ils ont fini par le tuer. Et ensuite, ils ont dit, bah voilà, il a voulu faire une attaque terroriste. Donc voilà, on retrouve la même version policière aujourd'hui, presque un an jour pour jour, avec ce qui s'est passé à la Goutte d'Or. Donc pour dire que donc la version policière, c'est-à-dire qu'il a attaqué un policier avec un couteau, qui s'est rué sur un policier, qu'il a crié à la Wakbar et qu'il avait une ceinture d'explosifs, bah, tout a été démonté petit à petit. Donc c'était pas une ceinture d'explosifs qu'il avait, mais c'était juste des fils électriques avec une pochette. C'était un truc factice, quoi, qu'il avait pas d'explosifs. Que c'était en fait un face-à-face, qu'il y avait une discussion tendue au commissariat qui a dégénéré, qui a fini par en fait que les policiers lui tirent dessus et l'abattent, le tuent. Et en fait, il n'a pas attaqué un policier, c'était un face-à-face tendu. Et les policiers sont formés pour quand il y a quelque chose de comme ça, de tendu, de ne pas tuer la personne directement. Ils n'ont pas cherché à le maîtriser ou des choses comme ça. Ils l'ont abattu, quoi. Et de plus en plus, on se rend compte que bah, ça va être normal qu'ils réclament que ces faits soient reconnus par la justice, par l'État, et qu'il y a un genre de permis de tuer, quoi. Et donc voilà, Samir, tu voulais, ou Mustapha, vous vouliez rebondir un peu là-dessus. Donc juste pour rappeler un peu les versions qui ont démenti tout ça, notamment Le Monde qui relate le fait que des habitants criaient « mais ça va pas, faut pas lui tirer dessus » après ce qui s'est passé, donc qui disait que la situation ne valait vraiment pas qu'on l'abatte, quoi. Et donc le fait qu'il avait pas de ceinture d'explosifs, qu'il avait pas crié, qu'il avait pas de couteau, donc tout ça c'est des témoignages d'habitants qui ont été relayés par les médias. Et donc voilà, pareil pour citer aussi Asna Aïd Boulassen, qui était donc avec dans l'appartement qui a été pris en assaut par le raid à Saint-Denis. Tout le monde a dit c'est la première femme kamikaze de France, elle s'est fait sauter et tout ça. Et en fait, ensuite, on s'est rendu compte que c'est pas elle qui s'est fait sauter, c'était un homme, et qu'elle, elle voulait sortir de l'appartement, en fait. Mais c'était trop tard, quoi. Dans la tête des gens, c'était une femme kamikaze, quoi. C'est, enfin voilà, un peu pour dire que les médias relaient direct la version policière systématiquement et que, enfin, heureusement qu'il y a plusieurs sites. Là, en fait, je me base sur un travail de Mediapart qui a un peu démonté toute cette version et aussi d'un site qui s'appelle prairie.fr qui a recensé un peu tous les versions contradictoires dans la version policière, quoi. Je vous laisse la parole un peu. De la goutte d'or, en fait, on a assisté au même truc médiatique qu'on assiste depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire un siècle en France, à une cacophonie totale. Au début, c'était une ceinture d'explosifs que portait la personne avec un couteau et qui serait précipité sur le commissariat pour se faire sauter en criant « Allahu Akbar ». Puis après, les journaux ont commencé à dire « oui, c'était une fausse ceinture d'explosifs ». Sans trop s'expliquer sur c'est quoi une fausse ceinture d'explosifs, en fait. Donc on s'imagine une grosse ceinture avec des fausses dynamites ou genre de délire. Mais en fait, que dalle. C'était juste une toute petite boîte avec des fils électriques qui sortaient et ça s'arrête là. Et il n'avait pas de couteau. Et BFM TV, ce jour-là, en plus, a fait un truc. C'est qu'à l'insu de son plein gré, il a réussi à prendre deux témoignages de personnes qui contredisaient la version des policiers. Ce qui est assez hallucinant. Samir, tu voulais réagir aussi ? Oui, mais c'est une méthode de la police. Je veux dire, quand on parle de Barbès, la manière dont il s'est fait tuer et tout, on reprend des affaires. Je veux dire, si on reprend des affaires, la méthode de la police, c'est laquelle ? C'est quand on sait la manière dont il monte et tout. C'est quoi ? C'est à partir du moment où les médias relayent les mensonges de la police pendant une semaine, même s'il y a un démenti qui est fait, on sait très bien que les gens, ils vont accrocher à la première information. C'est méthodique. C'est-à-dire, ils organisent un mensonge, ils font un tapage médiatique derrière, ceinture d'explosifs, un couteau, un ceci, un cela, et ça rentre dans la tête des gens. On prend l'affaire, voilà, on va prendre l'affaire d'Amal Bentounsi. Qu'est-ce qui se passe ? On a Amin Bentounsi qui s'est fait tuer d'une balle dans le dos. Quelles sont les versions de la police des premiers jours ? Il a fait face aux policiers, il était armé. Et le policier a tiré en état de légitime défense. Alors j'invite les gens à aller au procès qui a commencé depuis lundi. Les mensonges de la police ont été tous démontés. Les policiers, cet après-midi à la barre, ont avoué publiquement qu'ils avaient menti. Mais pendant 3 ans, les citoyens, ils ont entendu parler d'un gars qui était recherché, qui était dangereux et qui aurait menacé un policier avec une arme. C'est méthodique. Quand on regarde Barbès, c'est la même chose. Quand on regarde l'affaire de Amin Bentounsi, c'est la même méthode. Quand on regarde l'affaire d'Amadou Koné, c'est la même méthode. Quand on regarde l'affaire de Camara au Havre, qui s'est fait tuer quand même de 10 balles, et que les fonctionnaires de police en ont tiré 24, c'est des méthodes qui sont... c'est des méthodes relayées par la presse et par... C'est un tout. C'est-à-dire, il y a le crime, il y a les mensonges, et après, ensuite, c'est le travail des médias de produire les mensonges de la police. On s'interroge beaucoup sur ces médias qui travaillent sur une imprégnation en fait des mentalités des gens. Elles imprègnent tellement de fausses informations en général qu'elles n'arrivent même pas à remettre en question ou en cause. Ils sont complices. Ils savent que c'est des mensonges. Ils savent que la plupart du temps, les policiers qui ont commis ce genre de crime n'étaient pas en état de légitime défense. Voilà, tout à l'heure, il parlait d'un truc, Manon. On va revenir, c'est l'affaire Lamine Diagne. Il a été embarqué, menotté. Il a été mis dans un camion, arrivé au commissariat, il ressort, il est mort. De quoi on parle ? Je veux dire, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Les policiers, ils ont utilisé la force nécessaire pour l'arrêter, mais il était déjà menotté, il était déjà dans le camion. Comment se fait-il qu'il en ressort mort ? C'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire, pour revenir à l'affaire qui nous touche aujourd'hui, c'est-à-dire celle de Amin Bentounsi. Est-ce que tu trouves ça normal, Mustapha, que ça soit Amal qui fasse l'enquête, qui court depuis 3 ans pour aller chercher les témoins, pour rétablir la vérité ? Est-ce que c'est normal que ça soit les familles, les comités qui fassent les enquêtes ? Non, en général, c'est pas normal. Et c'est souvent le cas en plus. Dans tous les cas de violence policière, c'est les familles qui doivent se prendre la tête, à essayer de payer des experts pour faire des contre-expertises, pour essayer de mettre au fait... leur histoire, que les médias la connaissent, que ça arrive en justice et que ça se poursuit. Voilà. On a l'impression qu'il y a une solidarité de corps syndicaliste policier qui, même quand ils ne sont pas d'accord entre eux, couvrent en général les crimes commis par les 10 policiers et leur facilitent même la vie dans le cas du meurtrier de Amin Bentounsi, par exemple, du policier meurtrier, où il a facilité sa mutation, on l'a couvert, on lui a gardé le même rang, les mêmes avantages pécuniaires qu'il avait. On ne l'a même pas mis en... comment on dit déjà ? En détention provisoire. Ni en détention provisoire, ni en mise à pied définitive non. ou quoi que ce soit. Il a été couvert. Donc quand on a un comportement comme ça, les policiers les plus violents peuvent se lâcher, peuvent se croire tout permis, comme dans le cadre de la BST ou de la BAC, qui est une forme d'avatar assez ancien de la BST, où c'est de la racaille habillée en policier. Exactement. Qui vient et qui a une politique d'intimidation et de dire nous, on est la police. Moi, je te le dis texto parce que je l'ai vécu texto, quoi. Nous, on est de la police, tu fermes ta gueule et on fait ce qui nous plaît, qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison. Voilà, mais s'il n'y avait pas ces médias-là, s'il n'y avait pas vous, par exemple, FPP, s'il n'y avait pas d'autres comme Angle Mort, qui fait des livres d'ailleurs très bien sur les méthodes de la police et tout ça, s'il n'y avait pas ces médias indépendants, eh ben, ça serait 10 fois plus dur pour nous. C'est pour ça qu'on dit, nous, les médias, ils sont complices, non seulement de la police, et la justice, elle est complice aussi. Parce que la justice, aujourd'hui, on a des juges qui jugent des policiers, qui savent qu'ils ont tué, qu'ils ont assassiné des gens, et qui leur délivrent des non-lieux comme ça, ou des acquittements. C'est du foutage de gueule. On sait très bien que c'est la pression des syndicats de police, et c'est pour ça que nous, on va axer notre combat dans les mois à venir et dans les années à venir, sur le rôle de ces putains de syndicats qui font la pluie et le beau temps et qui décident pour nous. C'est-à-dire que depuis quand, depuis quand un syndicat de police protège des assassins ? Bah depuis 30 ans, en fait. Mais les gens, ils n'ont pas l'air de le savoir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin... les policiers... pourquoi ils ont toute cette liberté aujourd'hui ? Parce que pendant 30 ans, en France, dans les tribunaux, et depuis bien longtemps, on peut remonter aussi à la guerre d'Algérie, mais ce n'est pas le lieu et ce n'est pas le moment d'en parler, mais on a délivré des permis de tuer aux policiers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de policier qui prend des 20 ans de réclusion criminelle, eh ben, tu auras toujours des cow-boys, tu auras toujours des policiers qui tireront dans le dos des gens, qui étrangleront des gens, qui est une méthode d'interpellation qui est autorisée en France. Hein. On appelle ça, moi personnellement, j'appelle ça des meurtres légaux. Par exemple, Lamine Dieng, il a été tué de manière légale. Amadou Koné, il a été tué de manière légale. Pourquoi ? Parce qu'on utilise cette fameuse clé d'étranglement qui est interdite, par exemple, aux États-Unis, qu'on interdit en Allemagne et en Belgique, mais qu'en France, on autorise. Il faudrait quand même qu'on se pose la question. Comment se fait-il que dans d'autres pays... On interdit cette fameuse clé d'étranglement et qu'en France, on la glorifie, on l'apprend aux policiers. C'est-à-dire, à part dire des meurtres légaux, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Ils ont utilisé encore la force nécessaire. On peut se demander quelle force et quelle nécessité, parce qu'entre Lamine Dieng et Ali Ziri, qui est une personne âgée, retraitée, qui a été embarquée, qui s'est retrouvée mort, quoi. Ali Ziri, c'est pire, il a été tabassé. On parle d'un Chibéné qui a été tabassé, qui a été... Il n'y a pas de mots, en fait, pour définir la mort d'Ali Ziri. Il n'y a pas de mots pour définir toutes ces victimes depuis ces 30 dernières années. Il n'y a pas de mots. Nous, en tout cas, on a appris un truc. Tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix. C'est clair, c'est net. C'est-à-dire, tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix. Tant qu'il y aura des policiers qui seront protégés par ces fameux syndicat de police, nous, on continuera à parler d'autodéfense, on continuera à dire aux gens qu'il faut s'organiser, monter des comités et faire leur propre enquête. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a que ça comme outil, c'est-à-dire faire nos propres enquêtes et démonter les mensonges de la police de la même manière qu'a fait Amal dans Urgence, notre police assassine. J'insiste sur le fait que si ce n'était pas Amal Bentounsi et son comité qui avait fait cette enquête, aujourd'hui, le policier ne serait pas devant une cour d'assises. Il faudrait, à un moment donné, justement, qu'on puisse réunir toutes ces personnes pour parler de ce phénomène. Et les familles, elles en ont besoin. Elles ont besoin de nous, elles ont besoin d'FPP, elles ont besoin de tous ces médias indépendants qui font un travail extraordinaire sur ces violences-là. Et le but, c'est d'arriver un jour à ce qu'un policier soit jugé comme n'importe quel citoyen et qui prennent 20 ans de réclusion criminelle. Parce que quand on regarde la manière dont a été tué Amine Bentounsi, on a affaire à un tueur en puissance. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas, il vient nous la faire à l'envers, il fait montrer son visage de bébé, là, il pleure et tout. Le lundi, il arrive au tribunal, il verse des larmes. Non. On connaît. Il n'a pas de regrets. Les policiers n'ont pas de regrets. Quand ils tuent quelqu'un, ils n'ont pas de regrets. La preuve, parce qu'ils construisent des mensonges, ils construisent des affaires. On prend l'affaire de Villiers-le-Bel. les frères Camara aujourd'hui. C'est quand même puissant ce qu'ils vivent. On a condamné deux innocents à 14 ans de prison ferme, alors que les policiers qui ont tué deux jeunes de 15 et 16 ans à Villiers-le-Bel, eux, ils sont libres et ils continuent à exercer, alors qu'on a envoyé deux innocents en prison, l'art et la manière d'éclater les familles. Comment ils ont l'art et la manière d'éclater les familles? De la même manière qu'ils sont en train d'éclater la famille Créquer psychologiquement à Villiers-le-Bel, ils ont éclaté la famille Camara. On a quand même mis 14 ans de réclusion criminelle à des gens par rapport à des mensonges de la police, aux pressions des syndicats de police. C'est inadmissible. Inadmissible. On a mis des innocents en prison et on glorifie des meurtriers, des assassins en puissance. Il n'y a pas de mots. Mais en plus, ces affaires, à chaque fois, elles éclatent. Quoi. Il y a 7 mois, il y a eu Argenteuil. Je ne sais pas si tu te rappelles, au mois de juillet ou août. Fin août, il me semble. Argenteuil, c'était été 2013. Alors, je ne pourrais plus dire. Non. Une autre affaire à Argenteuil. Ça, là, pardon, cet été-là. Exactement. Lors de la nuit du destin, il y a deux jeunes, Amine Mansouri, qui rentraient de la mosquée 2h du matin. Et son père lui envoie un texto. Et je peux t'en parler parce que j'ai suivi un peu l'affaire avec la famille, et il reçoit un message, son père lui dit « Évite la dalle d'Argenteuil parce que c'est un petit peu chaud. » Et l'été, sur la dalle, c'est souvent un petit peu chaud. Amine contourne la dalle, et il se retrouve face à plusieurs policiers qui le pointent avec son flashball. Amine est en train de rentrer de la mosquée, il est vêtu d'une djellaba blanche, donc il est bien identifiable et bien visible, on voit que c'est un enfant. Le policier lui tire dessus, lui tire des flashballs d'une distance assez proche, et Amine s'écroule au sol. Son ami qui est avec lui, Mustapha, lève les mains en l'air et demande de l'aide. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on attend des fonctionnaires de police? On attend que ces gens-là nous protègent, ces gens-là nous viennent en aide. Ils ont en face d'eux des enfants de 14 ans. Que fait l'équipe de police sur place? Ils tirent en l'air des gaz lacrymogènes. C'est-à-dire que quand on a un enfant au sol qui n'arrive pas à se relever, on lui tire encore dessus des gaz lacrymogènes. Et c'est Mustapha qui a dû tirer son ami jusqu'à chez lui. Ils arrivent chez lui. Premier réflexe de Amine, il s'est dit, voilà, si je dis à mes parents ce qui vient de se passer, je vais avoir des problèmes, ils vont penser que j'ai déconné. Donc, au début, il est parti pour ne pas le dire. Et finalement, le problème est tellement grave qu'en fait, histoire de douleur, un peu comme ce que nous racontait Wassil tout à l'heure, histoire de douleur, il part aux urgences et il a failli perdre l'usage de ses testicules. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de très grave et qu'on a en face de nous une police qui nous tire dessus. Tout à l'heure, on parlait d'un... Très grave et récurrent. Très grave et récurrent. Et tout à l'heure, on parlait de ça. Lorsqu'on a une famille qui n'est pas au courant de ce qui se passe, pour la plupart des familles qui ont subi des violences policières, ils ne sont pas systématiquement au courant de ce qui se passe. Du jour au lendemain, ça nous tombe dessus. Quel réflexe on a? On n'a personne vers qui se retourner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se casse la jambe, on sait qu'on va à l'hôpital. Quand on est malade, on va voir le médecin. Mais quand on se fait taper dessus par la police, vers qui on se retourne? On ne va pas aller porter plainte, a priori, au commissariat de proximité de ces mêmes policiers qui nous ont tapé dessus. Et pourtant, c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé à Argenteuil, avec la police qui a voulu étouffer l'histoire et qui a voulu prendre la plainte de la famille Mansouri. C'est ce qui s'est passé à Pantin. C'est ce qui s'est passé successivement. Pour l'histoire d'Amadou Koumé, qui s'est fait tuer en mars dernier, clé d'étranglement à Gare du Nord, dans un café, bien visible. Lorsqu'il y a eu une marche à Saint-Quentin dans l'Oise, organisée par la famille, ce sont les renseignements généraux qui sont allés voir la famille en disant « Si vous avez besoin d'aide, pour votre dossier, on va vous aider. » Les renseignements généraux qui vont faire croire qu'ils vont aider la famille à résoudre un problème qui a été, un crime policier. Face à une famille qui n'a pas les réflexes militants, qu'est-ce qui se passe? Le renseignement généraux que tu connais, qui est dans ton quartier ou que tu as déjà vu. Eh bien ok, tu lui fais confiance. Parce que tu ne peux pas imaginer, et on en parlait avec M. Créquer, qu'on salue au passage, on ne peut pas forcément imaginer que la police, elle agit comme ça. Tout à l'heure, Wassil en parlait. Et non pas parce qu'on est naïf, mais juste parce qu'on a envie de croire. En tout cas, une partie de la population encore a envie de croire au mythe de l'uniforme et de dire que finalement, ces gens-là nous protègent. Eh ben non, en fait, ces gens-là ne sont pas toujours là pour nous protéger. En tout cas, ils sont là pour protéger, je pense, une autre France, mais qui n'est pas celle des quartiers populaires, qui n'est pas celle issue des différentes vagues d'immigration, mais peut-être qui est celle qui a la bonne couleur, le bon genre et l'argent qui va avec, tout simplement. Aujourd'hui, encore une fois, pour reprendre ce qu'il disait Wassil, il y a deux choses qui étaient inquiétantes dans ce qu'il disait, c'est que quand il s'est fait tabasser, il espérait fortement de se faire embarquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on préfère se faire embarquer que de se faire tabasser. Parce qu'une fois qu'on est embarqué, on sait qu'a priori, ça va être plus calme que quand il était en train de manger les coups. Voici, il l'a pas dit, il a fait 72 heures de garde à vue. À 15 ans. 72 heures. À 15 ans, sans acte de terrorisme, sans acte de garde à vue. Sans acte de drogue et sans acte de... Parce que normalement, sans chef d'inculpation, en fait. Sans aucune raison. Parce que normalement, c'est une garde à vue de 48 heures. Après, qui est prolongée. Qui peut être prolongée, mais avant, c'était minoré qu'au cas de terrorisme ou au cas de trafic de stupéfiants. Et du coup, pour un enfant de 15 ans, c'est quoi ? Outrage à officier de police ? Ah, je ne sais pas. En tout cas, pour l'avoir vu, pour avoir rencontré Wassil à la sortie de sa garde à vue, il était tuméfié, il avait le visage blessé. Et au-delà des blessures physiques, il y a les traumatismes. Donc 72 heures de garde à vue pour un jeune. Et un jeune de 15 ans, faut préciser, c'est un mineur de moins de 16 ans. C'est pas quelqu'un qui a plus de 16 ans et c'est pas sur un crime quelconque. C'est ça. Et l'autre chose qu'il disait tout à l'heure qui est importante, c'est que aujourd'hui, quand on voit la police, il a dit, on préfère contourner. C'est-à-dire que la rue du commissariat, on la connaît même plus. Le dernier drame qu'on connaît de cette histoire, c'est Ziad Ebouna. On va pas oublier. Ouais. Il rentrait d'un match de foot, il voit la police. Le réflexe qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on préfère partir en courant plutôt que de se faire encore contrôler, de se faire éventuellement encore placer en garde à vue pour rien ou pour pas grand chose. Et humilié aussi. Humilié, évidemment. C'est assez récurrent comme méthode de police, l'humiliation. L'humiliation, c'est-à-dire que se faire contrôler en plein Châtelet-Léal à une heure de passage, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore régulièrement parce que, encore une fois, pas forcément la bonne tête pour les agents de police. À quoi on pense ? J'ai croisé ma mère, j'ai croisé des amis, j'ai croisé des gens qui me connaissent, qui vont me voir et que je ne vais pas savoir qui m'ont vu et qui vont penser que je suis en train de faire une connerie, etc., etc. Donc l'humiliation de tout ça nous pousse à nous esquiver de la police, ce qui donne l'impression à la police qu'on a un comportement suspect et du coup on rentre dans une spirale en fait. Mais vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même une volonté politique d'une partie de la police ou qu'une certaine police ait ses mauvaises manières ? Ce n'est pas une partie, non. Moi je ne parle pas comme ça. Il n'y a pas de policier gentil, il n'y a pas de policier méchant. Ce n'est pas comme ça. Je vais prendre un exemple. Il y a 3 mois, il y a 7000 policiers à l'appel de tous les syndicats de police qui se sont retrouvés dans la rue pour demander le permis de tuer, qu'ils ont déjà depuis 30 ans dans les faits. Le fameux permis. Mais maintenant, ils le veulent officiellement. Ce n'est pas la question. Je me fous de savoir s'il y a des policiers gentils et méchants. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas notre rôle à nous, militants, de dire « ouais, lui, il est gentil, lui, il est méchant ». Ça, ce n'est pas notre rôle. Nous, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a des policiers qui commettent des crimes, il y a des policiers qui sont glorifiés à travers ces crimes, et on a des syndicats, des hommes politiques, et on a les médias derrière qui les protègent et qui criminalisent les gens qui s'organisent et qui criminalisent, pire que tout, la victime, comme on est en train de faire aujourd'hui au procès d'Amin Bentounsi. C'est-à-dire, non, moi, je ne rentre pas dans ce délire-là. Ce n'est pas à nous, militants, de décerner des bons points. Il y a des bons policiers, il y a des mauvais policiers. Non, ce n'est pas comme ça. S'il y avait des bons policiers, alors pourquoi tous les syndicats de police de gauche jusqu'à droite ont appelé à marcher dans la rue il y a 3 mois ? Oui, j'entends bien. Bah voilà, qu'on me réponde à cette question. Ce n'est pas notre rôle et ce n'est pas mon rôle de dire il y a des policiers gentils et méchants. Ce n'est pas comme ça. On se doit de politiser ces histoires. On se doit de raconter la vérité. Et la vérité aujourd'hui, c'est qu'une majorité de policiers, une majorité de syndicats des policiers protègent ces assassins-là. Point. C'est ce qu'on voit. Et c'est l'image qu'ils donnent. Tout en sachant que c'est des assassins. Sachant, bien sûr. Je veux dire, quand tu tires une balle dans le dos de quelqu'un, comment on appelle ça ? Un assassinat. Voilà. Un crime. Je veux dire, quand il y a un jeune qui commet un crime. Il y en a qui commettent des crimes. Combien ils prennent ? On vient de parler des frères Camara qui, eux, étaient innocents. Ils ont pris 14 ans. On parle de gens innocents. Et on s'attend à ce qu'un policier criminel paye beaucoup plus qu'un citoyen criminel en général. Voilà, donc on ne rentre pas dans ce délire policier gentil, méchant, ça, c'est pas notre problème. C'est pas pour rentrer dans le délire de policier gentil. Non, je parle aux gens en règle générale qui nous posent ces questions, qui nous disent « Oui, mais il y a des bons policiers ». Eh bien, ces bons policiers, là, par exemple, quand t'as un jeune en garde à vue qui se fait péter la gueule, qui se fait péter le nez, pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent, ils rentrent chez eux et ils s'en foutent, ils oublient. Même s'ils n'oublient pas, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il fait pour changer les choses ? Est-ce qu'il va dénoncer son collègue ? Non. On le voit d'ailleurs aujourd'hui à travers le procès d'Amin Bentounsi. Au contraire, ces gentils policiers, là, qu'on veut bien nous faire croire, là, ils défendent leurs collègues. Ils sont là à dire non, mais Amin Bentounsi faisait face à la police. Oui, tatati, tatata. Eh bien, on s'aperçoit que c'est non. On s'aperçoit que non. La balle, il l'a pris dans le dos. Le policier n'était pas en état de légitime défense. Ils sont où, les gentils policiers ? Mais on a aussi l'impression qu'il y a une volonté politique très forte, qu'elle soit de gauche ou de droite, de donner cet état d'esprit aux policiers et de les couvrir. Ils sont sous le ministère, leur ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Intérieur, qui en général couvre systématiquement ces choses. Et qui, comme par hasard, quand se déroule une violence policière ou une affaire où c'est un criminel policier qui doit être jugé, disent que Ils ne peuvent pas faire de l'ingérence, ils ne peuvent pas intervenir. Il faut laisser la justice faire tout le blabla habituel. Alors que dans le cas inverse, en général, ils ont des déclarations plutôt ardues en disant l'ordre, la sécurité dans les quartiers, c'est des racailles, c'est des mauvaises personnes. Bah en fait, c'est très bien ce que tu dis. Voilà, pour reparler encore de l'affaire d'Amin Bentounsi, puisqu'on est dans le fameux procès aux assises et tout, qu'est-ce qui s'est passé ? À l'appel des syndicats à l'époque, rappelle-toi, quand Amin Bentounsi est abattu d'une balle derrière le dos à Noisy-le-Sec, qui est-ce qui vient au commissariat de Noisy soutenir le commissariat ? C'est Manuel Valls. Ouais. Alors comment tu veux que les quand les policiers ils voient que le ministre de l'Intérieur à l'époque, Manuel Valls, soutient, va au commissariat de Noisy, là où ce policier-là a battu Amin Bentounsi, comment tu veux que tous les autres policiers, ils ne se sentent pas en confiance, qu'ils n'utilisent pas leur arme à je ne sais pas quoi. C'est un permis de tuer. Là, c'est un permis de blanc, c'est un permis de tout policier. Voilà, c'est, voilà. Et ça, malheureusement, on va mettre du temps. Il n'y a pas de problème, on ne va pas se mentir. On va mettre du temps à s'organiser. On va mettre du temps à se rassembler. Mais on va y arriver. À un moment donné, on aura ce discours ensemble, en commun, qui montrera ce que c'est que réellement le rôle de la police dans ces quartiers-là et au-delà de ces quartiers-là. Au-delà de ces quartiers-là. Parce qu'aujourd'hui, y a même des citoyens normaux qui vivent des contrôles inadmissibles et qui commencent à parler. Donc, ça va être dur. Il n'y a pas de problème. On ne va pas se voiler la face. Mais le but, c'est de rassembler justement tous ces comités de... par exemple, d'Amadou Koné, de Camara, d'Amal Bentounsi, parce qu'elle n'arrêtera jamais. Il faut savoir qu'il faut lui rendre hommage, parce que malgré que le tribunal là, il va se terminer vendredi, elle ne terminera pas. C'est-à-dire qu'elle va continuer à militer et à représenter ses familles de la même manière que Mme Kreker, de la même manière que son fils, et de la même manière que tous ceux qui ont été touchés par ces violences-là. Eh bien, un jour, on y arrivera. Mais on ne va pas se voiler la face. C'est difficile. Mais je suis sûr que dans quelques années, on arrivera à construire ce discours, à rassembler, à nous rassembler les uns les autres pour faire face à cette police qui tue dans nos quartiers, qui utilise des méthodes de milice, qui utilise des méthodes, pas dire Gestapo, parce que, enfin bref, c'est pas grave, on va pas dire ça, mais qui utilise quand même des méthodes similaires au passé, pour être gentil. C'est des méthodes de voyous, voilà. Tout simplement. Non, même les voyous, ils ont des méthodes un peu plus classe, on va dire. Un peu plus classe, parce qu'eux, au moins, ils le font de manière... ils savent ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils décident, un voyou, un braqueur, un dealer, il a décidé de vivre comme ça. Il a décidé. Le policier, non, il n'a pas décidé. Le policier, quand il rentre dans la police, c'est pour protéger les gens, en règle générale. Le voyou, il a décidé de vivre en marge de la société. Donc, on n'entend plus parler de gardien de la paix en général. Voilà, dans les années 70 jusqu'à 80, quand on présentait un policier, on le présentait comme gardien de la paix. Voilà. Aujourd'hui, on le présente comme une milice, on le présente comme un meurtrier, on le présente comme un... Parce qu'aussi, ils nous ont donné ça. Ils nous ont donné cette image-là. C'est pas... On ne dit pas ça comme ça, on ne les invente pas, ces affaires. Je veux dire, Amin Bentounsi, il est bien mort aujourd'hui d'une balle dans le dos. Amadou Koné, il est bien mort aujourd'hui. Camara, il a pris 10 balles dans le corps. C'est toutes 10 balles et le policier. Dans des quartiers populaires, voilà. Et pauvres en général. Et le policier, il a tiré 24 fois. Elles sont où les 14 autres balles ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils ne se disent pas, là. 24 balles qui ont été tirées sur un homme. Il y en a 10 qui l'ont touché. Et il est mort au bout de la quatrième balle. C'est quoi les 6 autres balles ? C'est un acharnement ? Comment on... C'est ça qu'on doit dénoncer. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est ce qu'on nous a appris au MIB, on nous a formés à ça, c'est malheureusement, on est obligés, c'est nous qui sommes obligés de faire les enquêtes. Quand on prend par exemple l'histoire de Youssef Kaïf, qui est une référence, si le MIB n'avait pas fait une enquête, s'ils n'avaient pas lutté pendant 10 ans, les médias, ils parleraient encore d'un voleur de voiture qui a volé une voiture et tout ça. Non. Le travail a fait que, aujourd'hui, il y a certains journalistes indépendants qui parlent comme ça. On acquitte des coupables, en fait. Voilà. On est en train d'acquitter des coupables. On est en train de dire à ces gens-là, c'est pas grave, vous avez tué quelqu'un, mais vous inquiétez pas, nous, on est là pour vous protéger. C'est quand même... Je reviens aux frères Camara, parce que c'est le meilleur des exemples. Les frères Camara qui n'ont jamais... ça n'a jamais été prouvé qu'ils ont jeté une pierre, qui ça n'a jamais été prouvé qu'ils ont participé aux émeutes de Villiers-le-Bel. Aujourd'hui, ils sont en prison, ils en ont pris 14 ans de réclusion criminelle. C'est une incarcération politique. C'est des prisonniers politiques. Merci de l'avoir dit. Mais c'est des prisonniers politiques. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu, je ne vais pas citer les noms, ils se reconnaîtront. D'ailleurs, c'est des gens très très bien qui ont toujours été auprès de ces familles et tout ça. Plus particulièrement, je conseille aux gens d'aller lire les trucs que font Angle Mort et tout ça. Ils ont sorti des très beaux bouquins. D'ailleurs, le dernier bouquin qu'ils ont sorti, c'est Permis de tuer, qui donne la parole au comité, aux familles et tout ça. S'il n'y avait pas eu ces gens-là qui avaient fait un travail sur Villiers-le-Bel, les gens ne sauraient pas qu'il y a deux personnes, il y a deux prisonniers politiques en France, des quartiers populaires, qui aujourd'hui ont pris 14 ans de réclusion criminelle. Du coup, là, il nous reste 4 minutes à peu près. Vous êtes bien sur l'émission Au fond près du radiateur avec Raphaël à la technique, moi-même, Moustapha, en tant qu'animateur, Noman, Wassil, Zara et Samir, un ex du MIB sur le Dips Social Club. Ouais, juste un mot sur le Dips Social Club. Nous, voilà, le Dips Social Club, c'est un truc, voilà, on rentre dans les quartiers, on a un gars qui s'appelle Vince, Denis, Gogo, c'est des putains de graffeurs, et en fait, on va dans ces quartiers-là, pas pour graffer ou quoi, on dessine des gens comme Sankara, comme Malcolm X, comme d'ailleurs, on va rendre hommage dans les mois qui viennent à des militants français, à des militants issus de l'immigration qui ont apporté, qui sont Tarek Kaoutari, qui sont Fatih Adamich, Nordin, Iznasni, qui font partie des références en France en termes de combat, en termes de lutte. Et le Deep Social Club, en fait, il est là pour rentrer dans ces quartiers-là, soutenir les luttes qu'il y a dans ces quartiers-là, parler d'éducation populaire, et on le fait à travers le graphe. Voilà. Du coup, là, on va conclure avec Zara qui va s'exprimer et Wassil qui vont tous les deux donner le mot de la fin. Je rappelle juste que le procès du meurtrier d'Amit Bentounsi, c'est depuis lundi et c'est toute la semaine, donc n'hésitez pas à aller soutenir au tribunal de Bobigny. Je laisse le mot de la fin à Zara et après à Wassil. Je t'en prie, Zara. Écoutez, moi, je tenais quand même à dire aux mères de famille ou aux pères aussi de famille, entre autres, hein, qu'il est important de croire en ses enfants, surtout, et d'être là pour eux. C'est très, très important. N'hésitez pas à les protéger, n'hésitez pas à être là pour eux, quoi qu'il arrive. Et je tiens surtout à soutenir la famille dans ces moments très difficiles d'Amar Tounsi. Et puis, sachez que je suis là pour eux, de toute façon, de tout cœur, et puis dans mon esprit surtout. Voilà, avec toutes les personnes qui ont pu vivre des injustices, quelles qu'elles soient. Puis c'est vrai que ça fait des années que ça dure, malheureusement. Et encore aujourd'hui, on revit ça, c'est triste. Je tiens tout simplement à dire que pour tous ceux qui veulent nous soutenir, Lutte 93, comité de soutien contre la violence policière à Pantin, n'hésitez pas, vous me connaissez. Il y a pas mal de monde qui ont été très, très étonnés de me voir dans la vidéo, malheureusement. C'est parce que vivent encore moins mes enfants et tous les autres enfants qui ont été meurtris à ce jour, et les familles, entre autres, que je soutiens de toutes parts, qui ont tenu à témoigner, aux filles à ces jeunes personnes aussi qui ont pris le temps de filmer. Merci beaucoup. Et je sais que ça... Enfin, je tiens à votre soutien et n'hésitez pas, quoi qu'on dise, n'hésitez pas à venir me voir ou à parler au comité. Voilà, merci à vous et puis bonne soirée à vous. C'est nous, merci. Wassil, un petit message à passer en une minute ? Moi, tout ce que j'espère maintenant, c'est que la justice va faire son travail. C'est tout, après on ne peut rien faire d'autre. Hein. C'est tout, j'espère vraiment que la justice va faire son travail, sinon... J'ai que 15 ans, j'ai encore beaucoup de choses à vivre. Franchement, j'ai pas envie de perdre espoir, de plus croire en la justice, quoi. J'espère vraiment que la justice va faire son travail et que les policiers vont être punis pour ce qu'ils ont fait. Okay. C'est tout. Du coup, c'était l'émission Au fond près du radiateur. Elle sera rediffusée vendredi de 7h à 8h30. N'oubliez pas, que ce soit dans les quartiers ou autre part, soyez vigilants et des bons réflexes. N'hésitez pas à vous interposer quand vous voyez une situation qui prête à ce que vous interposiez. Et voilà. À bientôt. Ok, on se retrouve mardi prochain de 7h à 8h30 du soir. Et tout de suite, on se quitte avec un peu de musique. Ça sera Justice pour tous de Haroun. Ici, ici, c'est le ghetto, la zone, appelle ça comme tu veux. J'sais pas moi, on dirait qu'on a la poisse, truc chelou. Mais bon, pas une raison pour s'enfoncer, chaque jour un peu plus. Qui s'arrange qu'on soit si bas, ce qui fait qu'on en veut toujours plus. Une seule astuce, ne rien avoir à se reprocher. Avec la tête qu'on se paye, on est déjà jugé, condamné. Faut pas parler d'égalité dans le pays de la double peine. Y'en a qui ont jamais mis les pieds au pays, mais qu'est-ce qu'ils deviennent? Des locs qui peuvent plus passer de cacheton. Skin mérite, j'aime France, changement de régime, la loi du pognon. C'est autre chose comme de passer du coq à l'âne. Combien de familles éclatées par l'échec, là comme chacun son drame. Justice pour tous, attaquez-vous à ceux de votre taille, sinon on rentre dedans. Et je t'assure qu'on fera pas de détails. Justice pour tous, c'est pour ça qu'on pousse. Et tout de suite l'émission Debout, juste après l'émission Debout, FPP 106.3 FM. Pas une raison pour oublier les flics et leurs causes. Justice pour tous, c'est pour ça qu'on pousse et qu'on milite. En bas, créer la secousse, car c'est pas nos vies qu'on facilite. Ça va si vite, hier c'est loin, je dirais même ça date. Pas une raison pour oublier les flics et leurs causes. Moi j'ai de la colère dans le cœur quand je vois un flic meurtrier, des bavures étouffées, dossier classé, tiroir secret. Situation critique, un frère s'est fait buter, y'a trop d'histoires tragiques, les deux flics mutés. Encore une famille en larmes, une paire qui aidait des gendarmes. Encore une famille en deuil qui se demande qui lui porte l'œil. Encore des bagnoles qui brûlent ce soir et des vitrines qui pètent. Et le rouge dans nos yeux, c'est la haine qui se reflète. Police partout, mais justice nulle part. Une seule chose est sûre, ils paieront tôt ou tard. Sous chaque uniforme y'a une ordure qui répond aux ordres, qui régit le désordre, nous accuse quand ça déborde. De Barbès au Minguet, des quartiers nord au Mirail, c'est toujours la même cible. Quand ils sortent leur attirail, y'a pas de solution, j'ai l'impression et ça me rend dingue. Pose ta plaque et ton flingue, on verra c'est qui la balle trinque. Tout est calculé, faut faire attention à nos pas. Les frais sont chers à payer, surtout les frais d'avocat. La liberté, l'égalité, tout ça, ça leur est égal. Et quand tu croises la bague le soir, cours plus vite que les balles. Une justice pour tous, c'est pour ça qu'on pousse et qu'on milite. D'en bas, créer la secousse, car c'est pas nos vies qu'on facilite. Ça va si vite, hier c'est loin, je dirais même ça date. Pas une raison pour oublier les flics et leur coup de savane. Une justice pour tous, c'est pour ça qu'on pousse et qu'on milite. D'en bas, créer la secousse, car c'est pas nos vies qu'on facilite. Ça va si vite, hier c'est loin, je dirais même ça date. Pas une raison pour oublier. Paraît qu'on est égaux les gars et que le monde est beau. Pas quand les flics pétagent, j'ai aussi la rage et on court.